Portrait d'assaut sur Fadjet. Aujourd'hui dans Portrait d'assaut, découverte de l'association Liens Animaux Patients, LAP pour son petit nom. Et pour nous en parler, nous accueillons en studio Claire Varusfeld. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association. Oui. Et Anne-Sophie Gall, bonjour. Bonjour. Qui est salariée, chef de projet, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Au sein de l'association. Oui. Cette association, elle est née quand? Elle est née en 2023, mais elle est vraiment active que depuis début 2025. Pour détailler un peu, lien animaux-patients, qu'est-ce qui se cache derrière ces trois mots? Dites-nous tout. Beaucoup de choses. En fait, c'est une association qui permet aux patients hospitalisés de faire garder leur animal de compagnie parce que, en ayant travaillé en service de psychiatrie pendant très longtemps, je m'étais rendu compte qu'il y avait énormément de patients qui refusaient ou qui reportaient les hospitalisations du fait de la présence d'un animal de compagnie. Et un animal qui est un compagnon de chaque jour et qui est un soutien chaque jour devient un frein quand il y a une hospitalisation. Et il n'y avait aucune structure en France. Ça n'existe pas. On est la première. Ça n'existe nulle part en France. Ça n'existe nulle part. Et donc, surtout dans un hôpital. Je parle dans un hôpital. Oui. Et donc, oui, vous étiez aide-soignante, c'est oui. ça au sein du CPN de l'AXOU. Voilà. Et donc, vous aviez constaté ce manque, en fait. Ce manque. Il y avait un constat, mais pas d'action, en fait. Et j'ai eu la chance d'avoir un directeur qui m'a fait confiance et qui m'a dit OK pour le projet. Et voilà. Et voilà, 2023, lancement de l'idée mais ouais. La concrétisation, c'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard, un petit temps de latence, le temps de construire une équipe pluridisciplinaire. Anne-Sophie nous a rejoint en tant que bénévole au départ. Et puis, depuis début 2025, elle nous a rejoint en tant que salariée. L'importance d'un animal de compagnie, quand on est malade, vous le mesurez comment? En fait, il n'y a aucune étude de fait. Comme ça, on sait que l'animal est un soutien pour les patients, surtout en psychiatrie. Il n'y avait aucune étude de fait. En fait, on ne savait pas combien de patients refusaient puisque la question n'était pas posée. Et on ne posait pas la question parce qu'on n'avait pas la réponse. En fait, on ne peut pas demander à un patient « Est-ce que vous avez un animal de compagnie ?» Il vous répond oui. Et si il vous dit « Ben, j'ai personne pour le garder », ben... Voilà, s'il n'y a pas de réponse à lui donner, en fait, la question n'était jamais posée. Donc, il n'y avait aucune donnée. On est parti de rien. On est parti d'hypothèses, de statistiques, d'une thèse, mais c'était un peu faussé par rapport à ce que nous, on vit au quotidien en psychiatrie. Aujourd'hui, comment ça se concrétise, ce que vous mettez en place? Bon, je peux laisser Anne-Sophie. Alors, Anne-Sophie, qui est chef de projet, donc salariée de l'association aujourd'hui. C'est ça. Et on peut peut-être revenir aussi sur votre parcours au sein de l'association. Comme des bénévoles, tout d'abord, qu'est-ce qui vous a attiré dans cette démarche? Alors, ce qui m'a attiré dans cette démarche, c'était vraiment le lien entre du coup, la santé mentale, la psychiatrie, mais aussi l'animal. Et c'était vraiment de relier les deux et de faciliter en fait, l'accès aux soins en trouvant des solutions de garde pour les animaux des patients et vraiment que ça permette aux personnes d'accéder à l'hospitalisation. Et ça a vraiment été quelque chose qui m'a beaucoup touchée, que ce soit professionnellement mais aussi personnellement. C'était vraiment ça. Et puis je voyais qu'il y avait des besoins en fait. C'était une vraie problématique en fait en France. Et effectivement, ça n'existe nulle part ailleurs en France. Et je me suis dit, mais là, il faut faire quelque chose en fait. Enfin, il faut que ça bouge, il faut que ça avance, il faut que ça évolue. Donc voilà. Et vous avez découvert l'association comment alors? Alors je l'ai découvert grâce à une amie en fait dans la vie qui a accompagné un petit peu l'association au tout début et en fait qui m'a parlé de l'association en me disant je suis sûre que ça va te parler, ça va te plaire et effectivement ça n'a pas loupé. Effectivement parce que là aujourd'hui vous êtes salarié de l'association, oui. Alors on peut parler maintenant des actions hein, qui sont mises en œuvre concrètement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors donc actuellement nous on a les soignants qui nous contactent ou assistantes sociales par exemple qui nous disent on a un patient, une patiente qui a besoin d'être hospitalisé là d'urgence ou non dans une semaine ou deux et qui a un animal de compagnie mais qui n'a pas de solution, est-ce que vous pourriez lui trouver un endroit pour le garder, une solution de garde? Donc on a deux options, on a soit l'option famille d'accueil bénévole, voilà, donc on en a à peu près une quinzaine actuellement et ensuite on est toujours en recherche, ça on en reparlera après, et la deuxième option c'est on a des partenariats en fait, des conventions avec des pensions pour animaux, des pensions donc professionnelles, donc il y a ces deux options là. Et il y a également des pet-sitters qui viennent rendre visite aux chats, par exemple, aux animaux. Et donc, une fois que l'animal est en garde, en fait, pris en charge, donc pendant l'hospitalisation du patient, le patient peut avoir la visite de son animal grâce à une salle de visite qui nous a été donc prêtée par le CPN, qu'on remercie grandement. Et donc, effectivement, donc, ça permet de maintenir le lien entre le patient ou la patiente et son animal pendant son hospitalisation. Et ça, c'est incroyable parce que c'est une énorme ressource, en fait, pendant le temps d'hospitalisation, parce que ça va donner envie au patient de sortir de l'hospital le plus rapidement possible et donc... Ça facilite aussi l'acceptation des soins, le parcours de soins, donc c'est génial. Vous dites qu'il n'y a pas eu d'études, mais là on voit très concrètement, je pense que la première fois que vous avez pu proposer ce service à un patient, vous vous en souvenez d'ailleurs peut-être Oui, il y a eu beaucoup de souvenirs, beaucoup d'émotions en fait, et c'est vraiment, tout s'est construit au fur et à mesure. Au départ c'était vraiment... Si on peut dire, presque du bricolage, quoi. C'était, on nous appelait, on cherchait, il n'y avait rien de vraiment concret, de vraiment construit. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est que ce soit un projet pérenne qui ne repose pas sur une personne, parce que voilà, c'est un projet qui repose sur une personne, c'est voilà, la personne déménage et le projet s'arrête. Donc c'est vraiment pour ça qu'on a travaillé aussi, pour avoir quelque chose de bien construit, de bien structuré, avec plein de projets, de s'étendre à d'autres structures. Voilà, on va y revenir parce que vous avez lancé un financement participatif qui a bien marché, on va y revenir. Au-delà de la proposition de garde, ça va bien au-delà aussi le service que vous proposez avec l'association LAP. Oui, c'est ça. En fait, on a un fonds de solidarité donc, qui a également été nourri par du coup, la campagne de financement participatif, par l'argent récolté dans ce cadre-là. Et donc, ce fonds de solidarité, il permet de financer les gardes et également les frais de soins vétérinaires, parce qu'on a des partenariats avec des vétérinaires dans le coin. Donc ça permet de financer ces frais-là lorsque la personne est en situation de précarité financière. À savoir qu'en 2024, on était à peu près à 90% des patients et des patientes qui étaient concernés. Là, cette année, pour l'instant, on est à 100%. Ce fonds de solidarité, il est important, il est même indispensable dans le cadre de l'association. Donc on est vraiment aussi sur le côté solidarité, mais lié à la précarité. Mais c'est fou que ce principe même de rendre service et de proposer cette possibilité de garde, ça n'existait pas avant. Non, on ne sait pas pourquoi. C'était un constat, mais les soignants, en fait, ceux qui étaient sensibles à la cause animale, allaient de temps en temps faire des visites à domicile pour donner à manger aux animaux. Mais en sachant qu'un chat, c'est territorial, généralement, on le laisse dans l'appartement, c'est un pet-sitter qui passe. Mais un chien, dès le premier jour, il doit être pris en charge. Donc c'était bien souvent des abandons ou la fourrière. Mmh. Donc ça évite en plus les abandons des animaux. Et puis les personnes qui étaient sensibles à la cause animale pouvaient poser la question et s'occuper des animaux. Et les autres, ça passait un petit peu... On ne considérait pas que ça faisait partie du soin, alors qu'on se rend compte maintenant que l'animal fait partie du soin. En fait, c'est le fait que le patient ait des nouvelles, parce que je donne des nouvelles régulièrement. Tout se fait dans l'anonymat, la garde. Mais moi, je donne des nouvelles, je reçois des nouvelles et des photos des animaux, et moi, je les transmets aux patients. Et là, je me suis rendu compte que c'était vraiment... c'est merveilleux, quoi. Vous allez certainement avoir beaucoup de demandes. Là, vous avez besoin de bénévoles, de familles d'accueil, vous l'avez évoqué. Comment beaucoup. Ça se passe, ça? Bien sûr, on est en recherche de familles d'accueil. Ouais. Il faut qu'elles sachent que tout se fait dans l'anonymat. On a la chance d'accueillir une... stagiaire formidable qui nous a fait un questionnaire qui sera envoyé aux familles d'accueil en fait pour savoir un petit peu leur lieu de vie, leurs habitudes de vie, pour ne pas confier un animal qui ne correspond pas à la famille d'accueil, parce que si on confie un dalmatien qui a envie de courir à une personne âgée, c'est une famille d'accueil qu'on va perdre. Donc il vaut mieux placer un animal qui correspond à la famille. Donc voilà, donc on a un petit questionnaire, et puis Anne-Sophie, en tant que chef de projet, est tout à fait compétente dans... Moi, je m'occupe beaucoup du lien, justement, entre les patients, du lien avec le CPN, puisque moi, je suis toujours au CPN. Et puis, comme elle vous a dit aussi, elle a la salle de visite pour permettre, même aux patients hospitalisés, même ceux dont on ne prend pas les animaux en charge, de recevoir la visite de leur animal de compagnie. Et puis, nos maîtres mots, c'est l'accès aux soins pour tous, la solidarité, la bienveillance, le bien-être animal. Puis je laisse un petit peu parler à Sophie, parce qu'elle a plein de choses à vous dire aussi. Oui, alors j'ai évoqué tout à l'heure un financement participatif avec la plateforme aux côtés. C'était quel objectif? Alors l'objectif, donc, c'était de récolter 15 000 euros, donc en 4 semaines. Au final, on a pu rallonger la campagne de 2 semaines parce qu'on voyait que ça montait pas forcément, et puis on avait plein de choses à gérer en même temps. Donc au final, la campagne dure 6 semaines, donc ça s'arrête le 6 juillet. Et en fait, on a atteint finalement les 15 000 euros au bout de tout pile un mois, vraiment tout pile au jour près. Ouais. Et là, on s'est dit, on va remonter à 18 000 en fait, on va essayer d'avoir un petit peu plus. Et donc l'objectif, les enjeux en fait finalement, c'est de pouvoir nous acheter une voiture en fait qui nous permet de transporter les animaux de compagnie lors des déplacements. On a eu le cas hier, juste hier soir. Donc voilà, d'ailleurs, c'est un moment très émouvant. Donc il y a ça, on aimerait aussi... ça permet aussi de financer la garde de 20 animaux, d'accompagner 20 patients ou patientes. Donc ça, c'est quand même quelque chose. Donc avec une moyenne d'hospitalisation, généralement, on est autour des 30 jours. Et puis, autre objectif, c'est vraiment de sensibiliser et d'accompagner en fait d'autres structures de soins, donc du secteur de la Meurthe-et-Moselle pour l'instant, sachant qu'on commence à avoir des demandes là du côté de la Moselle. Donc ça commence un peu à faire parler. On a aussi des personnes autour de Lyon qui nous contactent aussi, avec qui on était en lien il y a un petit moment. Donc ouais, ça commence un petit peu à être diffusé. Et la campagne se passe bien, on est vraiment très très contente. C'est que vraiment ça remplit un manque si vous êtes contacté. Ouais. Qu'est-ce que vous ressentez, Claire Varusfeld, d'avoir initié quelque chose comme ça? C'est émouvant. Ouais. Pour moi, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Je l'ai fait vraiment avec, au départ, avec tout mon cœur. Jamais je pensais que ça prendrait cette ampleur. Là, sur le CPN, maintenant, on a un numéro raccourci pour les soignants. Donc, qui est accessible de l'extérieur, mais un numéro raccourci avec des affiches dans les services. Comme ça, les soignants peuvent nous contacter beaucoup plus facilement, les patients aussi. Non, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur et voilà. Et si des personnes qui nous écoutent voudraient se proposer comme famille d'accueil ou comme bénévole, tout simplement, comment ça se passe aujourd'hui pour vous contacter? Alors, on a un numéro de téléphone qui est le 03 83 92 69 18. Ou alors le mail. Et on a également une page Facebook, un compte Instagram et un compte LinkedIn sur lesquels seront mis à disposition aussi du coup le lien pour remplir le formulaire sur Google Forms, dans lequel il y a toutes les questions qu'on pose aux familles d'accueil. Donc il y aura vraiment cet outil-là pour trouver des familles d'accueil. L'association Lien Animaux Patients, qui existe sur Nancy, mais qui mériterait d'exister un peu partout. Je vous laisse peut-être le dernier mot à toutes les deux. Qu'est-ce que vous souhaiteriez ajouter par rapport à votre association, ce qu'elle représente? Pérennité. Et puis, il y a tellement de mots, en fait. Hier, on a eu une rencontre très émouvante avec un patient qui a retrouvé son chat au bout de... Et c'est tout, s'il ne nous disait pas, il avait compté les... Deux mois et trois jours. Deux mois et trois jours, et c'est tout, s'il n'avait pas compté les heures, en fait, de séparation. Et au départ, c'est un animal qui devait aller à la SPA. Donc c'est des choses, c'est des moments très très émouvants, et nous tout ce qu'on souhaite c'est la pérennité, c'est que des gens nous rejoignent, c'est tendre à d'autres lieux de soins. Et puis on est quatre dans l'équipe, il y a Muriel qui n'était pas là, qui est secrétaire, et Mélanie qui est trésorière, mais on a la chance d'avoir à côté Anne-Sophie qui est notre perle. Voilà. Anne-Sophie, un dernier mot peut-être aussi? Je suis très contente de faire partie de cette association. J'ai les langues. Non, je suis vraiment très contente de faire partie de cette asso parce que je me rends compte que oui, effectivement, ça n'existe pas en France, mais c'est pas le tout. C'est pas que ça, c'est vraiment de se dire que effectivement, il y a d'autres établissements de soins qui nous contactent. Et à chaque fois, la réaction que vous avez eue tout à l'heure de nous dire « mais c'est fou que ça n'existe pas », c'est la réaction que généralement les gens ont. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on se dit « mais ouais, effectivement ». Et de se dire que maintenant ça existe et qu'on participe à ça, enfin je trouve ça, c'est trop chouette. Effectivement, le moment d'hier était ultra émouvant. Enfin, on se dit, c'est pour ça qu'on fait ça, quoi. Lien Animaux Patients, n'hésitez pas à les suivre et pourquoi pas à les rejoindre. La page Facebook, LinkedIn, Instagram. Merci à toutes les deux. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. C'était Portrait d'Assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.